En campagne. Grand 1. 20 km à parcourir, c'est une petite étape. Le temps était sombre, assez favorable pour la marche. Mais le sol, détrempé par la pluie de la veille, mollissait sous les pieds. Et puis notre bagage était au grand complet. Fourniments, vivres, cartouches, rien ne manquait. La tente, humide encore, pesait fort. Quand, au bout d'une heure, retentit de distance en distance, comme répercuté par un interminable écho, la sonnerie de la halte, tous, et moi le premier, nous poussâmes un long soupir de soulagement. Mais il était à peine exhalé que les clairons, l'instant d'avant si charitable, nous ordonnèrent cruellement de repartir. Grise et pénible journée qui n'a rien laissé dans ma mémoire de l'aspect du pays. Nous avions tout au plus parcouru le quart du chemin, et il me semblait que j'étais déjà à bout de force. Je ne voyais que les deux pieds qui, devant moi, s'agitaient, fuyant alternativement les miens. Mon regard, s'il s'élevait, ne dépassait pas la hauteur du havresac, qui, sous mon nez, se balançait comme un esquif, avec le fréquent tressaut que lui imprimait un sec haussement d'épaules. Ces tasses de corbeaux marchands, je le regardais, je le fixais désespérément, pour subir son attraction magnétique, pour contrebalancer l'horrible poids de celui qui me sollicitait en arrière, me tiraillait sous les bras, m'écrasait les épaules, comme si de minute en minute il eût grossi, et se fût réellement appesanti. Avec une terreur qui croissait en proportion de l'affaiblissement de mon corps, je me demandais si jamais j'arriverais au bout de l'étape. Or, si à cette première épreuve j'étais vaincu, comment espérer fournir une carrière plus longue? Ma bonne volonté, mon ardeur patriotique, tous mes élans sincères allaient-ils donc être éteints, annihilés? Était-il donc inutile et vain d'avoir du cœur? Ne valait-il pas mieux posséder de solides jarrets? À la dernière pause, j'eus l'imprudence de m'asseoir. Quand le clairon sonna, mes jambes étaient rouillées, inertes. Je voulus me lever. Impossible. Mon fardeau me clouait sur le tas de pierres où je m'étais échoué au bord de la route, et plein de désespoir et de rage, je vis défiler tout le 51e régiment qui suivait le 48e. Par un suprême effort, je m'étais redressé pourtant. Mais loin de pouvoir regagner le terrain perdu, je me voyais distancé toujours plus. Non seulement mes effets et mon sac me pesaient, mais aussi mes galons. Je m'en trouvais indigne, j'en étais honteux. Volontiers je me les fusse arrachés, et je me demandais avec inquiétude comment j'allais m'excuser auprès de mes officiers d'être un traînard. La brigade s'était arrêtée au nord de la ville, le 48e à droite, et le 51e à gauche de la voie ferrée, qui monte vers Beaugency. La nuit tombait quand je rejoignais ma compagnie. Il avait fallu du temps pour assigner à chacun sa place. Les faisceaux étaient formés, les tentes à peine dressées. Officiers et camarades ne remarquèrent pas mon retard, ou feignirent de ne s'en être pas aperçus. Impossible de me rappeler si la soupe fut bonne, ni même si j'en mangeais. Me reposer, m'étendre, dormir, voilà ce qu'il me fallait, n'importe où. Nécessaire est l'extrême fatigue de la marche avec un chargement de bêtes de somme pour vous faire goûter les bienfaits du repos sous un illusoire abri et à même la terre humide. Au redoublement de froid qui coïncide avec l'aube, je me réveillais pourtant. Le besoin de secouer l'engourdissement du sommeil me poussa à m'agiter hors de ma tente. Je me trouvais si dispos, si alerte, que j'espérais mieux résister à une seconde épreuve. Faible espoir, car j'eus l'ennui de constater que, ressemblant au héros par les mauvais côtés, j'avais comme Achille le talon entamé. Par bonheur, nous ne devions pas quitter Mer tout de suite. Cette ville, qui compte normalement 4000 âmes, était alors entourée et farcie de 12 000 hommes, de troupes de toutes catégories et de toutes couleurs. Avec nous, les chasseurs campaient alentour. Au centre de la cité, un régiment de mobiles occupait la halle, qui offrait véritablement le spectacle d'une ruche gigantesque. Des moubleaux y apparaissaient en effet, non seulement fourmillant au ras du sol, mais encore allant chercher le repos sur les piles de sacs qui attendaient l'ouverture du marché. Dehors, sur la place, dans les rues, au carrefour, partout s'ébrouaient, piaffaient, ruaient des chevaux au piquet, et quelques-uns stationnaient, tête basse, crinière tombante, leurs grands yeux mornes. Le long des grandes voies s'alignait le matériel de l'artillerie, canons à la longue gueule élevée, hardis, caissons lugubres comme des cercueils, forges roulantes, fourgons, fourragères, enfin le train de la 2e division du 17e corps d'armée. Sous l'impulsion du général Durieux, un divisionnaire authentique, graine d'épinards rare à ce moment-là, le corps d'armée s'agglomérait graduellement, sans précipitation, sans hâte exagérée. Cette prudence semblait s'imposer, avec des formations improvisées, comptant, j'en fournissais la preuve, des volontés meilleures que les jambes. À la tête de la 2e division était placé le général de brigade Dubois de Gensigny, la veille colonel de gendarmerie. Bientôt un autre brigadier, depuis lors célèbre, allait être désigné pour remplacer le baron Durieux, trop méthodique et trop lent au gré du ministre de la guerre. Le 17e corps était offert par le télégraphe au général Gaston de Saunis, pendant qu'il cherchait vainement à Châteaudun d'introuvables régiments de cavalerie, avec lesquels il brûlait de charger. Moi aussi, je profitais du trouble des temps pour avancer vertigineusement en grade. Le haut galon de sergent Fourier me fut décerné à mer. M. Hénard, promu lui-même capitaine, répondit à mes remerciements en me promettant de me faire avoir sous peu, si je continuais de bien servir, le grade de sergent-major, comme je l'eusse envié, le double galon, s'il avait dû me dispenser de porter mon sac. En tout cas, les paroles bienveillantes du capitaine justifiaient un peu le dépit de Gouzy et de Naréval, qui perça malgré eux. Ils me boudèrent pendant une heure et devinrent ensuite les meilleurs camarades du monde. Quant à mon troisième rival, il ne daignait plus être jaloux de moi. Villiot, simple sergent, était déjà désigné pour passer sous lieutenant. Pourquoi son compatriote n'obtiendrait-il pas la même faveur? En vérité, le boulorier attendait l'épaulette, ni plus ni moins, et dans cette attente, il relevait un peu plus ses moustaches. Il multipliait les punitions, sans de bien graves motifs, pour se donner de l'importance. Harel, cela va sans dire, avait été consacré sergent-major, et pour compléter notre cadre, il nous fut donné un lieutenant. M. Barta, comme M. Houssine, était sorti des rangs, mais depuis plus longtemps. Il avait la mine d'un grognard qu'il était. Ayant combattu en Crimée, en Italie, et étant décoré de la médaille militaire. Forte moustache, longue barbiche, grosse voix. Au demeurant, le meilleur des hommes. Il eût été parfait sans son goût prononcé pour la vive bouteille. Mais à l'armée de la Loire, il n'y avait guère à boire que de la neige fondue. M. Barta nous apparut donc sous un jour excellent. Grâce à lui, la 6e du 3 achevait d'être encadrée de manière à ne pas trop redouter l'épreuve du feu. D'ailleurs, le colonel Coq mettait à profit le dernier répit accordé par le général en chef pour faire manœuvrer le régiment à travers champs. J'eusse pris plaisir à cette préparation au combat prochain, mais mon quartier général était à la gare, où se poursuivaient d'interminables distributions. Fastidieuse corvée. Tous les fourriers de la brigade étant convoqués en même temps, il leur fallait assister à la pesée successive par les soins d'un sergent d'administration rarement bien disposé. Des lots de denrées revenant à chaque compagnie. L'opération, quand il s'agissait des vivres de campagne, se renouvelait 5 fois. Sucre, 36 pesées. Café, 36 pesées. Riz de même. Sel encore. Haricots, toujours 36. Le lendemain, distribution de viande fraîche ou de lard salé, de pain ou de biscuits, pour recommencer ensuite. Ah, l'effrayante eau des Danaïdes, que le ventre d'une armée. Le 24 novembre, je ramenais de la gare mes hommes de corvée, moins irrité encore d'une station de 3 heures, qui nous avait fait rentrer les jambes dans le corps que du soupçon d'avoir été victime d'une grossière erreur. Quelques railleries qu'excitèrent les règlements militaires, ils sont généralement bons quand ils sont strictement appliqués. Mais ils forment comme une chaîne. Il ne faut pas qu'il y manque un seul anneau. Nul ne doit se dérober tant soit peu à son devoir, sous peine d'ouvrir toute grande la porte aux abus. L'intendance avait trop à faire, en 1870, pour que les fonctionnaires, ou que même les officiers d'administration, fussent présents partout. Le soin des distributions était forcément abandonné à des subalternes, recrues que, en général, le désir d'éviter le feu, plus que la conscience du devoir, ou que les aptitudes professionnelles, avaient poussé dans les services auxiliaires. Il appartenait donc aux officiers chargés de la conduite des fourriers d'être vigilants. Ce jour-là, il faut l'avouer, l'officier de service, un lieutenant du 51e, impatienté d'attendre si longtemps, ne prêta aucune attention à la protestation que je formulais. Pour ne pas perdre le temps, il fallut se contenter, de la part du sergent qui nous servait, d'une démonstration embarrassée au moyen de sa bascule. Cette sorte d'instrument est facile à fausser, et j'étais parti convaincu que nous avions été trompés. Dominé par cette préoccupation, j'entrais dans une épicerie qui se trouvait sur notre chemin. Vérification faite, mes soupçons se changèrent en certitude. Ainsi, plusieurs milliers d'hommes allaient se trouver privés de la nourriture d'un jour sur 3 environ. Impossible d'en douter, les soldats de corvée, en étant témoins comme moi. En un temps où les vétilles étaient parmi nous punies de mort, je ne me croyais pas en droit de taire la faute d'un homme qui, par calcul ou par maladresse, allait en affamer des milliers au moment des rues de fatigue pendant les marches forcées. Il appartenait à mon capitaine, sur mon rapport, de signaler la fraude ou l'erreur. Mais il n'était pas au camp, et quelques minutes après, je n'avais plus le loisir de me plaindre efficacement. Les clairons rappelaient au pas de gymnastique. Dans la ville, les vibrantes trompettes de l'artillerie répondaient à nos sonneries. Puis il s'éleva au-dessus et autour de la ville un bruissement intraduisible, fait de l'agitation des soldats, du froissement du pavé par le fer des chevaux, du roulement des affûts et des avant-trains, d'une longue clameur de commandement et d'un immense cliquetis d'armes. La ville de Mer, au bout d'une heure, dut sembler morne et vide à ses habitants. Notre division l'avait évacuée. Le général de Saunis, d'abord suffoqué par un tel excès d'honneur, s'était cependant résigné, par esprit de discipline, à accepter le commandement en chef du 17e corps d'armée. Pour constituer solidement l'aile gauche de l'armée de la Loire, il avait demandé la concentration immédiate de ses divisions autour de lui, à Châteaudun, tandis que le 16e corps se maintenait au centre, en avant de Coulmiers, sous les ordres du général Chanzy, dans les positions conquises le 9 novembre, et que, plus à droite, le général Martin Despalières couvrait Orléans avec le 15e corps. Mer, où je devais bientôt revenir, non plus pédestrement, mais monté, je n'ose pourtant dire sur un noble coursier. Mer, qu'une sinuosité de la route nous avait permis de découvrir à distance, sans détourner la tête, s'était effacée dans la brume de cette triste journée d'automne. Le pays était plat, sans horizon, sous un ciel terne, bas, qui semblait étouffer la terre. Et ce qui assombrissait encore tout cela, c'était le souvenir de ma première étape. Il me préoccupait fort. Il me préoccupait d'autant plus qu'à chaque pas, mon talon d'Achille, me rappelait par une sensation de brûlure ma vulnérabilité. Heureusement, le départ avait été tardif. Il n'eut pas à fournir ce jour-là une longue course. Au bout de 3 lieues, ayant atteint à la nuit le bourg de l'Orge, nous établîmes nos bivouacs dans des champs que bornait à notre gauche une large bande irrégulière, noire et confuse. Au jour, nous reconnûmes que nous étions campés près d'un grand bois, la forêt de Marche Noire. Le café pris, on nous fit aligner à une portée de fusil de la lisière. Le 51e avait à nous rendre le funeste spectacle que nous lui avions offert dans la forêt de Blois. Il y mit un peu moins de cérémonie que nous. Ayant laissé les faisceaux auprès des derniers fumerons de leur bivouac, les hommes de ce régiment vinrent se ranger à nos côtés, les bras ballants, presque comme à la foire. Il ne s'agissait, à vrai dire, que d'exécuter un simple soldat, lequel, chose grave, avait refusé d'obéir à un caporal qui le commandait de corvée. Grand, fort, l'air décidé, cet homme fut conduit tout à l'entrée du bois, sous l'escorte du peloton fatal. Il ne voulut pas se laisser bander les yeux, ni s'agenouiller. En se plaçant lui-même bien en face de ses compagnons armés, il nous parut de loin demander si la distance était convenable. Il recula d'un pas et s'étant bien assujetti sur ses jambes, afin de montrer qu'il ne tremblait pas, il fit un mouvement de tête qui fut le signal du feu. Le bruit de la décharge nous parvint 3 secondes après que nous avions vu ce brave s'affaisser, foudroyé. Il n'était plus temps de s'attarder en des formalités superflues. Grâce nous fut faite du défilé devant le corps sanglant. Le camp levé aussitôt, la brigade se mit en marche par une des routes qui traverse la forêt. La journée était belle, le ciel assez clair, sauf quelques buées matinales qui s'évaporaient comme des farfadets à notre approche. L'exécution sommaire nous avait un peu, malgré un commencement d'habitude, figé le sang. L'exercice nous semblait une nécessité et un bienfait. Le chemin prenait, entre la multitude d'arbres qui se pressaient autour de nous, un caractère pittoresque, varié, car au cœur de la forêt, les feuilles n'étaient pas toutes tombées. Il y avait là comme un regain, exhalant un doux parfum automnal. La fatigue se faisait à peine sentir. L'étape eût été vite parcourue, mais pour la défense de la patrie, le génie civil s'était exercé en ces parages dans le secret des bois. Il contribua à modérer notre allure. La tête de la colonne s'arrêta à un carrefour devant une tranchée à épaulement, obstacle qui déjà immobilisait une batterie de notre division arrivée par une autre route. Les artilleurs travaillaient activement à rétablir la voie. Mais après une pause, nous n'attendîmes pas l'achèvement de leur rude besogne. Bravant l'enchevêtrement des racines d'arbres, des fougères et la fouettée des branches, successivement tendues par les fusils, l'infanterie tourna les obstacles, en coupant à travers les taillis. Peu après, la fin de la forêt s'annonça, par une perspective romantique, dont l'image, quoique vaporeuse, vague, est cependant fixée indélébilement, je ne sais pourquoi, dans ma mémoire, avec la grâce indéfinissable d'un beau rêve. Au bout de l'avenue, qui filait toute droite, au milieu des arbres dénudés, se dressait sur un coteau, dans la lumière plus vive de la plaine, un castel à tourelles. La grande halte eut lieu au-delà de ce site charmant. Les fourriers, condamnés à écourter leur repos, durent presque aussitôt prendre les devants, pour aller, sous la conduite d'un adjudant-major, reconnaître l'emplacement des prochains bivouacs. Un peloton complétait cette avant-garde, dont l'allure devait se maintenir assez vive. Vers 4 heures, un grondement lointain de tonnerre vint frapper nos oreilles. Il n'y avait point d'électricité dans le ciel. L'orage sévissait sur la terre. C'était le bruit de la canonnade, enfin. Faible encore, bien faible, très éloigné, mais nettement perceptible, ce premier écho de la bataille nous insuffla comme une vie nouvelle. Pour ma part, je ne sentais plus le poids de mon sac. Le fusil me semblait aussi léger qu'une canne de jonc. J'oubliais même la cuisante douleur de mon malheureux talon. Je me trouvais aussi alerte et dispo qu'au jour où je m'exerçais chez Lothard, et la nuit dans la prairie des filtres de Toulouse. Qu'importaient à présent les fatigues et les souffrances? Le danger était proche, donc nous allions être utiles, devenir bons à quelque chose. Les forces nous étaient revenues pour doubler l'étape, s'il m'avait fallu, et vraiment nous espérâmes que l'ordre en serait donné. Non, nécessité fut de se reposer pour arriver en vue de Châteaudun le lendemain à pareille heure. La dernière étape avait été pénible à travers un pays déjà violé par les envahisseurs. Habitations désertes tout le long de la route, grilles de parc brisées, murs crénelés ou rongés de brèches, les arbres fauchés par les obus montraient leurs moignons à cassures fraîches. De loin en loin, une carcasse de cheval fourmillante de taches noires, des corbeaux dont le vol sinistre animait seul le paysage que la pluie rayait de ses lignes obliques. Sur ce fond sombre, la ville de Châteaudun nous apparut tout d'un coup, un repli de terrain franchi à 2 kilomètres environ. Bâtie sur un coteau, elle produit un grand effet, avec la haute silhouette du château de Dunois qui domine ses maisons étagées. Après quelques nuits de bivouac, il nous semblait déjà que nous étions condamnés aux steppes éternelles. Aussi la vue de cette cité nous surprit-elle et nous réjouit-elle, malgré l'inclémence du temps. Nous avions hâte, une hâte enfantine, de heurter de nos pieds endoloris le pavé de ses rues. Il fallut cependant modérer notre impatience et lui voir prendre un autre cours. En franchissant le coteau d'où nous avions pu découvrir la ville, nous avions entendu subitement, clair et intense, le bruit de la canonnade, qui jusque-là avait grondé sourdement, confusément. L'action paraissait se livrer à quelques kilomètres. Les clairons sonnèrent la halte d'un bout à l'autre de la longue colonne, et les estafettes coururent bride abattue vers la ville pour savoir s'il fallait y entrer, ou bien marcher au canon, dans la direction du nord-ouest, semblait-il. Les officiers, ayant visité les armes, les hommes jonchèrent aussitôt la route des petites croix blanches dont sont formés les étuis de cartouches. Cela témoignait d'une belle ardeur, et surtout d'une grande inexpérience, car il suffit de 3 secondes pour rompre ces boîtes de carton, et il nous eût fallu de longues heures pour joindre l'ennemi. C'est à Yèvre et à Brou que le canon tenait ce jour-là, à plusieurs lieues de la Châteaudun. Pour détourner les Prussiens d'une marche sur Vendôme signalée par le ministre de la Guerre, le général de Senys s'était porté en avant dès le matin avec quelques batteries et les fantassins du général de Flandre qu'il avait fait trotter comme des chevaux arabes. Notre appui, qui aurait été tardif, n'était pas nécessaire. La colonne expéditionnaire devait sans désemparer rentrer après l'affaire dans ses bivouacs de Marbouët, sous Châteaudun. L'ordre ne tarda donc pas à nous arriver d'aller occuper dans la ville haute les emplacements abandonnés par des francs-tireurs et des mobiles, qu'un train emporta devant nous vers Vendôme. À leur rapide passage, nous les saluâmes chaleureusement, croyant qu'ils allaient au feu.